Monsieur dame, je me présente, crime, je suis l'arme. C'est pas le temps pour les moqueries, ou je te baisse ma cadame. Je suis pas âme, c'est quoi un ticket, ceux où t'en es sont les âmes. Là où ça va au charbon, parce que l'oseille tombe pas des armes. Si c'est macabre, alors aux armes, le visage masqué. Sur le mur du quartier, 23 piges, toutes mes dents, je peux marquer. Baisse les clashs, celui qui teste, qui nique sa mère. Moi je vais être riche pour grimper, j'ai volé l'échelle de Richter. On veut le respect comme un Francky d'Italandais. Moi je te mets bien comme au Crazy. Un bobo star, t'as qu'à demander. Ok, pourtant ta mode, j'ai mon pitié. C'est dommage, moi je sais que piétiner. Ton rap, c'est encore inerte avec ma bite dans la rétineux. Sans prix qu'une meuf qui te met à l'amende. T'as plus qu'à t'enlever d'ici, mon flow pue la contrebande. J'en vis tout seul. Tout le monde a cru qu'on était en force. Ce son, c'est une tenaille, t'arraches les dents, tu parles en morse. Appelez-moi Hex. Direct dans tes dents, j'blesse du style. J'roule 95 800, fait pour toute la ville. J'y sers, c'est Gotham City, on réside dans tes villes. Tes résidus de ouf, restez dans vos villes, appelez-moi Hex. Direct dans tes dents, j'blesse du style. J'roule 95 800, fait pour toute la ville. J'y sers, c'est Gotham City, on réside dans tes villes. Tes résidus de ouf, restez dans vos villes. Terminé comme la Corse, j'viens prendre ta place, dégage au Crazy Horse. Là où les petits diars bombent le torse. J'fais pas partie de ton rap, y'a trop de PD dedans. Juste un mec ton hardcore qui est au micro. Monte les dents, nous c'est pas évident. La jungle au vidant, peut vider ton sang pour un petit incident. Cet incident, mon secteur, le citron, les gens fous comme dans une secte. Mec ton, j'te laisse rien, même tes os, j'les bec. J'suis mode de beau, façon shit ou Jack Daniels dans les deux cas. Moi j'défonce comme si tu faisais agresser. On m'a dit, hey, toi c'est le vice que t'incarnes. J'ai dit, j'veux briller comme un ballon de Zidane en pleine lucarne. Donc verse tes larmes écrites, ici c'est l'arme du crime. Avec un beat, décrit par la crime. Pendant que les Boeing baisaient avec les bulletins. Banlieue de Paris et Kiri, Gotham City. On a pété Batman, il reste des excités. J'kiffe les coins sales avec du sexe, une grosse crasseuse. Les pays asiatiques et leurs masseuses. Demande aux frères, ils ont un crocodile sur le cœur. À force de troquer dans le malheur, certains aux frères attendent leur dernière heure. Moi j'fais partie de ceux avertis, pervertis. Par la rue, la patrie, petit ciel gris de Paris. Appelez-moi Hex. Direct dans tes dents, j'blesse du style. J'roule 95 800, fait pour toute la ville. J'y sers, c'est Gotham City, on réside dans tes villes. Tes résidus de ouf, restez dans vos villes, appelez-moi Hex. Direct dans tes dents, j'blesse du style. J'roule 95 800, fait pour toute la ville. J'y sers, c'est Gotham City, on réside dans tes villes. Tes résidus de ouf, restez dans vos villes, appelez-moi Hex. Direct dans tes dents, j'blesse du style. J'roule 95 800, fait pour toute la ville. J'y sers, c'est Gotham City, on réside dans tes villes. Tes résidus de ouf, restez dans vos villes, appelez-moi Hex. Direct dans tes dents, j'blesse du style. J'roule 95 800, fait pour toute la ville. J'y sers, c'est Gotham City, on réside dans tes villes. Tes résidus de ouf, restez dans vos villes.